La vie est un jeu sérieux, on joue à devenir vieux. Oui, mais moi en attendant, je connais un jeu marrant. Il faut seulement tricher pour savoir qui va gagner. Tu perds, je bois le champagne, c'est le jeu de qui perd gagne. Me voilà grisé, je parle de mes amants. Tu dis que c'est amusant, tu es un très beau perdant. Vraiment, tu m'énerves un peu, tu ne te prends pas au jeu. C'est le jeu. Moi, je ris de tes compagnes, c'est le jeu, c'est le jeu de qui perd gagne. Tu te fâches, je me couche, tu me touches. Maintenant le jeu est à l'issue. Et tu triches, quel délice. Je me fiche éperdument de finir le gagnant ou le perdant. Je t'aime, mais c'est le jeu. Je ne passe pas aux aveux. Je t'aime et c'est le banni. C'est le jeu de qui perd gagne. Tu m'aimes sans me le dire. Et je te laisse partir. J'ai truqué. Et le champagne, c'est le jeu de qui perd gagne. Au jeu de qui perd gagne, on a perdu et gagné. C'est le jeu. L'amour et le champagne, c'est le jeu. Il faudra recommencer. Au jeu de qui perd gagne. On a perdu et gagné. C'est le jeu. On sait.